Nous sommes Radio Cayenne, c'est tous les lundis. Si t'as pas d'ordi, va donc chez tes amis. Tu entendras les infos de lutte sur Nantes, grève, réflexion, manie. Et puis des blagues! Salut les petits potes. On va donc commencer cette soirée. En vous parlant d'Exarchia. En vous lisant un petit texte. Ouais, du coup, on va vous donner un peu des nouvelles du quartier grec d'Exarchia à Athènes. Et du coup, l'info vient du blog de Yanis Yuluntas. Au vu des violences policières quotidiennes qui s'intensifient depuis le début de l'occupation du quartier rebelle et solidaire d'Athènes, nous allons bientôt avoir des morts à Exarchia. Ça, c'est le titre. Cette phrase, beaucoup la prononcent ce matin, dans un coin du quartier où nous avons déjeuné à quelques-uns en faisant le point sur la situation. Un vieux compagnon anarchiste est convaincu que nous allons revivre 1985 ou 2008. Ces années-là, un jeune militant avait été assassiné par un policier, provoquant à chaque fois des émeutes très importantes. En décembre 2008, le pouvoir avait tremblé. Plus de 300 banques et magasins de luxe avaient brûlé. Le Parlement avait été assiégé. Aujourd'hui, l'ambiance n'est plus la même dans la société, mais la lassitude est à son comble. Quelque chose couve, comme une douleur dans le ventre. Les forces d'occupation du quartier multiplient les violences quotidiennes sur les migrants-migrantes, les militants-militantes locaux, les solidaires venus d'autres pays et plus récemment un couple gay. Dans le nord-ouest du quartier, quadrillé par la police, la situation devient très compliquée. Notamment pour le squat Notara 26, qui est au milieu de la zone en question, quasiment encerclé par les postes de surveillance policière. C'est dans cette zone qu'un couple gay vient d'être frappé par des policiers de surveillance. C'est également dans cette zone que des fascistes ont été repérés, à côté des flics par exemple, avec des t-shirts de supporters nazis de Rome et des identitaires de Défense d'Europe. Mais ce qui se passe autour de la place ne vaut pas mieux. La grenade lacrymogène qui a été jetée à l'intérieur du centre social autogéré Kivox, où beaucoup de monde se trouvait, aurait pu tuer quelqu'un. C'est d'ailleurs un acte illégal, même en temps de guerre, que de gazer un lieu clos. C'est un acte criminel théoriquement puni par les tribunaux internationaux. Il se trouve qu'à l'intérieur du Kivox, nous avons parfois la visite d'un vieux compagnon souffrant d'insuffisance respiratoire. S'il avait été parmi nous ce soir-là, il serait peut-être mort. Tant la fumée toxique a été épaisse à l'intérieur du lieu dont les issues étaient bloquées par les policiers incontrôlables. Pire encore, l'une des membres du collectif a accouché récemment et passe parfois avec son bébé. Que se serait-il passé? Ce n'est pas tout. Comme le confirme Georgios Kalaidis, alors désolé, hein, je suis mauvaise en grec, donc c'est le cofondateur en fait de Rouvikonas, alors c'est un groupe anarchiste qui du coup s'organise dans le quartier d'Exarchia. Donc comme il le confirme, relayé par les médias autogérés du mouvement social, l'un des policiers a dégainé son arme de poing en menaçant. Les témoins ne manquent pas. Membres du Kivox et visiteurs, presque tout le monde l'a vu, même si on n'a malheureusement aucune photo ni aucune vidéo du geste. Et si le policier avait tiré, que se serait-il passé à Exarchia? Et au-delà, à Athènes? Hier soir, Georgios Kalaitsidis, qui connaît bien le quartier et son histoire, a écrit sur sa page Facebook, « Cela va arriver. Il est très probable que nous allons bientôt avoir des morts à Exarchia. » Vu l'évolution de la situation, la violence de l'occupation policière et le grand nombre de fascistes et de barbouzes qui vadrouillent dans le sillage des flics, nous sommes nombreuses à penser la même chose. Ce matin, un peu avant 9h, des coups de feu ont retenti dans l'est d'Exarchia. Quelques instants après, des voltigeurs de la police ont été aperçus. Pour l'instant, nous ne savons pas ce qui s'est exactement passé. C'est une affaire à suivre. Presque toutes les nuits, des groupes anarchistes et révolutionnaires du quartier attaquent des postes de surveillance de l'occupation policière. Avant-hier, une cinquantaine d'insurgés ont attaqué le poste de police situé au croisement des rues Tositsa et Spirou Trikoupi. Le communiqué de la police parle d'une pluie de feu et évoque le chiffre de 80 cocktails Molotov jetés en quelques secondes. Les renforts policiers n'ont pas réussi à rattraper les assaillants qui ont disparu très rapidement dans les ruelles du quartier. Nouvelle attaque imminente de la police contre 11 lieux, dont le Notara 26 et le Kivox. Au lieu de contrôler sa police et d'écarter les miliciens fascistes qui traînent à ses côtés, le gouvernement grec vient de décider de durcir encore plus la situation à Exarchia. Hier soir, les journaux télévisés, notamment sur la chaîne Ant 1 TV, l'équivalent de TF1, ont annoncé un changement de stratégie de l'État. Une répression accrue en raison des résistances et une attaque imminente et simultanée contre 11 squats, au motif de la mobilisation qui s'amplifie de jour en jour et que le pouvoir veut prendre de vitesse. Selon des rumeurs, le Notara 26 et le Kivox feraient mobilisation qui s'amplifie de, du coup pour... Pour resituer, en fait là cet article il est écrit juste après la première vague d'expulsion qui a eu lieu donc il y a quelques jours ou une semaine où ils ont expulsé 4 squats et Exarchia c'est 49 squats, voilà, c'est un quartier qui compte 49 squats. Et du coup là il parle effectivement de faire une deuxième vague, elle est peut-être en cours d'ailleurs en ce moment même, d'expulser du coup 11 autres squats. On parle d'une attaque lundi à l'aube ou l'un des jours suivants. Vu le nombre de lieux visés par l'opération, leur répartition éparpillée dans le quartier et le symbole fort qu'ils représentent pour le mouvement social, l'État aurait besoin d'un véritable armada policière, beaucoup plus nombreuse que lundi passé. Cette stratégie jusqu'au boutiste montre que Kyriakos Mitsotakis n'a que faire des conséquences. Il veut séduire la droite dure et en finir avec cette zone qui fait tache dans le projet de gentrification athénien. Il veut également satisfaire la demande de certains de ses homologues européens qui s'inquiète de ce symbole de résistance et d'utopie sur le continent. Il n'y a pas et ne doit pas y avoir d'alternative. On connaît la musique. Préparez-vous, compagnons et camarades. Les heures qui viennent vont être déterminantes. Nous aurons besoin de votre soutien, de votre relais, de votre protestation partout où vous êtes. L'enjeu n'est pas seulement la défense d'un quartier unique en Europe pour sa concentration de lieux autogérés, pour l'ampleur de sa résistance à tous les pouvoirs, pour la beauté de sa solidarité avec les précaires et les migrants-migrantes. Non, l'enjeu est bien plus que ça. Défendre Exarchia, c'est défendre notre droit de montrer que d'autres voies sont possibles, hors de l'impasse actuelle. Et c'est un texte de Yannis Yolontas que vous pouvez retrouver sur le blog YY Yannis Yolontas. Voilà, voilà, et elle est accompagnée de la chanson de la Semaine Sanglante juste en dessous. Oui, mais nous, on a des super sons de rap grec et pour aller avec. Qu'on va vous envoyer. Mais on a trouvé sur le blog aussi. Mais écoutez la Semaine Sanglante et buvez de l'eau, hydratez-vous fréquemment et faites la révolution. Αναμφισβήτητα, τα πάντα κινούνται γύρω μου με νεκρά ταχύτητα. Ρεωμένα όλα κι όλοι με πίστη μας πάραν στα πόδια βαρύτητα. Κατεδαφίζεται ο οίκος από ρουφιάνους που μπήκαν στη ζούλα. Αγαπούλα, χωρίς κουμπούλα, που καλή και βαθιοπούλα. Ποιος θα σου πει τι πώς, που πότε και γιατί. Ποιος θα σου καθοδηγήσει, πες μου τη ζωή. Ποιος μαλάκας έχει μέσα τα αρχίδια να κοιηθεί. Τα πάντα έχει έξω από νομοτελειακά τα πανταρή. Νιώσε τις ορμές μας, καθώς οι ορδές μας ξεπροβάλλουνε μέσα από τις φωνητικές χορδές μας. Φρένο στο χθες μας τα βάλω, τέρμα στο αίμα για να γλιτώσεις τα σκυλιά σου που είναι έτσι κι αλλιώς δεμένα. Ψέμα, το ψέμα γένα, τη γένα το στέμα παραμένει. Να είναι άφταστος μύθος για κάθε πένα συγκεκριμένα. Όλοι πεταμένοι μέσα σε μια αρένα. Οι παράνομοι επιβάλλουν τους νόμους και νομοταγείς την τάξη στο θέμα. Σήκωσε την αντένα, γαμώ το φασισμό σου που τάνας γένα. Ναι, καλά κατάλαβες, αυτό εδώ είναι για σένα. Διάλεξε, θέλεις κρεμαλά ή τρεχαλά. Κάνεται κάθε είδους φασίστας μαλάκα και πάμε γυάλα. Γάμα τους, πάτα τους. Γάμα τους, καθούρα τους στα μούτρα. Και γάμα τους στη φάρα τους. Γάμα τους, πάτα τους. Γάμα τους, καθούρα τους στα μούτρα και γάμα τους στη φάρα τους. Πάτησα το κουμπί της επανεξέλιξης. Δεν χρειάζεσαι την τόπα, άκου καμιά ένεσης. Έλευσης, άκουμε την ώρα της νέμεσης. Αιώνια παραπονία της γαμημένης σαν συνέλευση. Παιδί της αναρχίας, πιστοσίως των πάντων Ελλήν προπάντων. Πάσχω από έλλειψη μονάδων σε κατά. Στρόφικες εποχές, έρωτας φλιπρές. Μεσά παστρικές προβολές, στενές επαφές καθημερινές. Είναι σαντικές, κινηματογραφικές σκηνές. Βάλε το Όσκαρ σου στον κόλο. Βομόλογο έχεις τα δίκια σου, τι να σου πω. Μα ό,τι μου έχει μείνει να ξεσπάω. Είναι αυτό ένα κομμάτι χαρτί και λίγη μαύρη μελάνη. Για να με κρατάει ήρεμο μέσα σ' αυτή τη στάνη. Τα δικά μου παιδιά ξέρουν καλά όταν με πιάνει. Δεν μου κόβει το δρόμο ούτε ολόκληρο τσουνάμι. Γάμα τους, πάτα τους. Γάμα τους, κατούρα τους στα μούτρα και γάμα τους στη φάρα τους. Γάμα τους, πάτα τους. Γάμα τους, κατούρα τους στα μούτρα και γάμα τους στη φάρα τους. C'est toujours Radio Cayenne. On était en train de parler de ce qui se passe en ce moment en Grèce, plus précisément à Athènes, dans le quartier de Exarchia, qui, du coup, depuis plusieurs jours, est la cible de grosses manœuvres policières pour expulser des squats. Donc Exarchia, ce qu'on disait, c'est un quartier qui comporte une cinquantaine de squats, de lieux autogérés, principalement anarchs, et du coup qui existe depuis assez longtemps et qui se fait aussi attaquer assez longtemps et que l'État essaye de résorber. Du coup, il y a eu une première vague d'attaques où 4 squats au moins ont été expulsés. Dont surtout des squats de migrants. C'est un peu l'excuse, j'ai l'impression qu'ils ont utilisé l'État grec, là c'était on veut virer les squats de migrants. Donc voilà, il y a déjà plusieurs squats qui étaient connus et tout ça qui en fait sont murés. Et là il y a une deuxième vague qui se prépare. Et donc on peut suivre toutes ces infos, notamment sur le blog de Yannis Yuluntas, mais j'imagine qu'il y a plein d'autres façons d'avoir les infos de ce qui se passe en Grèce. Et en réaction à tout ça, bien sûr, il y a, bah, il y a beaucoup de gens un peu partout en fait qui manifestent leur solidarité de diverses façons, des photos de banderoles, etc. Et il y avait eu aussi un appel à attaquer les consulats grecs. Et du coup, à ce propos, on va vous lire un article qui est apparu sur Indie Media il n'y a pas très longtemps. Oui, donc l'article apparu sur Indie Media, il commence par « Quelque part, entre le 28 et le 29 août 2019, j'ai brisé la vitrine du consulat honoraire de Grèce situé rue Léon Joste et inscrit au marqueur « Stop, loi et ordre à Exarchia ». Ceci est un acte non violent. Ses détracteurs le désigneront comme violent, comme le font toujours les dominants qui aiment à être seuls maîtres du degré de violence. Tandis que « loi et ordre » transférant des exilés vivant libres vers des centres d'enfermement avec la complicité de fascistes d'aube dorée, ne serait qu'une opération de rétablissement de l'ordre, qu'une application des lois démocratiquement promulguées. Violente, certes, car un enfant à qui on soustrait le toit au-dessus de sa tête, à qui on éloigne les visages qui faisaient apparaître un gigantesque sourire sur le sien, à qui on sépare des jouets qu'il émerveillait, dont il se souviendra toute sa vie, ce n'est que violence qui lui est faite. Mais le monopole de la violence légitime étant accordé à l'État, les complices du pouvoir n'utiliseront jamais ce terme pour désigner ce que l'autorité met en place pour sacrifier la liberté. Car selon ses complices, la violence est soit populaire et légitime, soit policière et légitime. Jamais populaire et légitime à la fois. Ceci n'était qu'une vitrine. J'ai décidé d'éclater cette vitrine pour montrer qu'elle ne protège pas une entité invulnérable. À défaut de me battre directement contre les forces voulant détruire ce qui se vit dans le quartier d'Exarchia, je le fais de là où je suis, là où je peux atteindre l'une des extrémités des tentacules de ce gouvernement grec, en vue de le faire reculer par réflexe, par peur, par instinct de survie. Si on veut abolir le pouvoir, les formes de vie comme celles déployées à Exarchia doivent être défendues par l'action directe. Défendre Exarchia, je considère cette œuvre comme un moyen et une fin. Une fin car ce sont des individus qui là-bas sont chassés, expulsés, atomisés, à qui on fait l'injonction d'obéir, à qui on nie toute dignité. Un moyen car Exarchia est un des exemples qui me permet d'imaginer un monde sans autorité, solidaire, ouvert et critique sur lui-même et les autres. Or, j'ai eu besoin d'autres imaginaires pour sortir de la résignation que l'autorité a voulu m'imposer toute ma vie. Et si ceci n'a pas suffi, alors je reviendrai. Ou alors une autre reviendra. Parce que ceci n'était qu'un avertissement. Et il se pourrait cette fois qu'à défaut d'obtenir ce que je souhaite par une méthode non violente, alors je ne puisse qu'imaginer une méthode violente face à la violence déployée par l'autorité, se manifestant par le gouvernement grec. Voilà, voilà. Du coup, on rappelle que l'appel à soutenir Exarchia de toutes les façons possibles et imaginables est toujours valable et... Sauf des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins. Paris suinte la misère, les heureux mêmes sont tremblants. La mode est au conseil de guerre et les pavés sont tous sanglants. Oui, mais ça me rend dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. On traque, on enchaîne, on fusille tout ce qu'on ramasse